Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste. Une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou et réalisée par Thomas Delafosse. Et la liste de ce soir est celle de... François Dorambus. Je ne verrai pas la fin des haricots. Je ne verrai pas le ciel tomber de haut. Je ne verrai pas le vent te dire oui ou te dire non. Je ne verrai pas le soleil brader ses derniers rayons. Je ne verrai pas le grand chariot rouler sur la queue de la casserole étoilée. Je ne verrai pas le vent te dire oui ou te dire non. Je ne verrai pas mon âme ramener la caution. Bonsoir François Dorambus, auteur, chanteur, compositeur, interprète, mais aussi formateur musique au long cours, que ce soit au Lido, École du Cirque, K Musical ou à l'École de Jazz de Valence. Vous labourez également, François Dorambus, le chant des possibles entre mots et sons, tour à tour classique ou expérimental. On vous a vu produire des répertoires chansons à l'ancienne, célébrer la poésie de Léo Ferré ou la Faconde de Claude Nougaro, ferrailler avec quelques cadeaux de la scène toulousaine, de Serge Lopez à Leila Martial, en passant par Jean-Luc Amestoy, Ferdinand Doumerc, Marc Demereau ou Rebecca Ferron. Avec cette dernière, vous avez formé récemment un duo Ameslam, un duo pour un spectacle mêlant votre guitare et sa harpe électro-acoustique acoustique, mêlant également poésie, musique métisse, chansons bien entendu, mais également acoustique et électronique, voix et machine. Am Slam, dont nous venons d'écouter un morceau tiré d'un album enregistré en public. Vous êtes né à Paris, François de Rimbus, en 1955, arrivé à Toulouse en 1983, et vous êtes depuis une petite quarantaine d'années un des activistes de cette scène locale que nous célébrons à longueur d'émission sur ces ondes. Cofondateur avec le chanteur et documentariste Marc Anne au milieu des années 90 des Joueurs de Voix, un collectif, une association, sorte de mini conservatoire de la musique et de la chanson, et qui réunissait de jeunes artistes toulousains en devenir, mis en avant lors de spectacles qui avaient lieu soit au Bijou, soit à la cave Poésie. C'est ainsi que l'on a pu découvrir dans ces Joueurs de Voix Leïla Martial, Halima Hamel, Wab et pas mal d'autres. Vous avez également écrit pour des compagnies de théâtre musical, pour des spectacles de rue, de cirque ou de marionnettes. Guitariste, formation classique, puis jazz, chanteur également, ayant travaillé sa technique avec Ravi Prasad ou André Menviel. On a pu également vous voir sur scène en solo, mais aussi dans le Commando Nougaro, devenu ensuite le trio A3 pour une célébration de l'univers de Claude Nougaro. Chanté avec Françoise Guerlain et Éric Larenne dans le spectacle Tracklist. Animé le collectif Toulouse en chanson du monde à l'occasion d'une édition du festival Toulouse d'été. Premier disque, Season, en 1971, un vinyle bien entendu. Et puis depuis, vous avez enregistré une dizaine d'albums, multiplié les projets et encadré des ateliers d'écriture, de création de chansons, de chorales éphémères, de polyphonie un peu partout dans la région. Un parcours, vous l'aurez compris, plutôt touffu et foisonnant, dont il sera largement question, ou pas, dans la liste de 10 morceaux que vous nous avez amenés ce soir. François de Rimbus, 2-3 choses à rajouter ou on attaque directement avec le premier morceau? Franchement, on peut attaquer, je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Eh bien, allez, premier morceau de votre liste, François de Rimbus. Un œil sur la guitare, un autre sur la bagarre. Oh, oh, oh. Le show vient à peine de commencer, que je me pique une parano. Sur le pied de son micro, il crie je t'aime. Les rockers lèvent le poing et leur nana se déchaîne. Elles sont en transe, ils se collent une danse et faut que ça balance. Premier morceau de votre liste, François de Rimbus, Higelin, tiré d'un album qui date de 75 ou 76, Irradié. Pourquoi cet artiste en début de votre liste? Bah, c'est le tournant, c'est le boss, quoi. Tu vois, c'est notre Bruce Springsteen français. Bon, en fait, on est dans un... Je dis « on est » parce que c'est quand même très générationnel, puisque je me souviens, pour l'anecdote, que mon premier concert d'Higelin, j'étais avec Éric Larenne à la salle polyvalente de Cahors. Lui commençait à jouer avec son harmonica en chantant relativement peu avec Azor, de Récup Vert et surtout toute une bande de mecs qui jouaient du blues, et moi pareil, je faisais des petits groupes, je sais plus quel âge, peu importe, mais enfin on était comme, oui, beaucoup plus jeunes que maintenant, donc on est il y a presque 40 ans on va dire. Tout d'un coup c'est la révélation, le flash, d'accord, c'est possible donc de faire du rock, d'avoir cette voix rock, de balancer ça sur scène, et surtout je pense touché par cette liberté, cette jubilation qu'il a, que la scène ne devient plus simplement un truc réservé un peu à l'élite, nécessairement des grands musiciens ou des musiciens, des chanteurs connus. Ben voilà, lui, il y va, et puis comment il y va, quoi, avec des textes en plus intéressants, drôles, profonds, avec cet héritage aussi vraiment de la chanson française de qualité, comme on aime à dire, donc qui était ni de la variété cloche, ni un truc complètement alternatif qu'on avait commencé à connaître. Hein. Tu évoquais tout à l'heure Ribeiro, d'autres gens comme ça, enfin des choses un peu plus confidentielles ou plus radicales, on va dire. Donc quelque chose à la fois accessible, grand, tout d'un coup qui on dit mais c'est toi, c'est nous, c'est ah d'accord, c'est possible. Mmh. Et Éric Larenne, que vous allez retrouver une trentaine d'années plus tard, 30-35 ans, pour ce spectacle dont je parlais tout à l'heure, Tracklist, où justement vous faisiez un peu l'inventaire avec Françoise Guerlain, qui était aussi présente sur ce spectacle, un peu des musiques qui étaient à l'origine de vos répertoires respectif. On y entendait beaucoup de blues, de jazz et de rock. Oui, en fait, c'est le même principe que cette émission avec la transition de... Enfin, en fait, qu'est-ce qui a fait un petit peu le mariage, le passage entre notre culture anglo-saxonne et qui était... Oui, qui était prédominante, hein, on va dire, même si on avait écouté ou nos parents, les premiers vinyles de mes parents, bien sûr, c'était Nougaro, Ferré, Adamo. Je crois que c'est ma mère qui m'a acheté le premier disque des Beatles. Enfin, voilà. Et, donc, c'était un peu ce principe-là, sur ce passage avec des adaptations, des fois très baloches, très franco-françaises, de standards américains plus... cantonné à une époque, on va dire, voilà, moins sur l'époque pop musique, mais plus sur l'époque du blues et du jazz. Ouais, voilà. Deuxième morceau de votre liste, François Dorembus. Il y a quelques minutes, les Beatles, Martha My Dear, un album que vous avez beaucoup écouté. Vous disiez tout à l'heure que c'était votre mère qui vous avait acheté votre premier Beatles. C'était celui-là, c'était le double blanc, donc est extrait ce morceau. C'était un single. Et ça, c'est déjà, je suis presque jeune adulte ou adolescent là, quand ça sort c'est 67. Hein 67, 68, 67. Ouais. Là, il y a un lien. Si tu veux, j'écoutais que de la musique classique quand j'étais petit, je faisais de la guitare classique et j'ai été complètement bercé par toutes les mélodies, le monde du classique, les grands tubes, mais que ce soit des compositeurs russes ou Mozart, enfin voilà. Ou espagnol, et c'est vrai que si on parle de guitare classique et de grands titres, on passe au concerto d'Aranjuez par exemple. Alors ouais, il y avait cette présence-là aussi, et tout d'un coup, les Beatles, c'est quand même la genèse tout d'un coup, il y a quelque chose qui résonne à plein de registres. D'abord un registre émotionnel, sur des mélodies quand même qui sont de la chanson. De travailler sur l'harmonie. Hein. Mmh. C'est-à-dire, on sent la fanfare, on sent l'harmonie avec le pompe, la pompinette. On sent aussi toute cette musique qui va ensuite envahir Broadway. Et pour moi, en tant que jeune musicien qui s'éveille, qui fait sa puberté musicale, hein, qui commence à jouer un peu du bac, à la guitare et tout ça, je me dis, mais c'est incroyable, quoi, cette richesse. Il y a le nombre de morceaux de McCartney où t'as... C'est pas 5-6 morceaux parce que dans le même morceau, parce qu'il arrive à relier, à retomber sur ses pattes. Il fait ce qu'on appelle, pour moi, c'est une découverte des bascules harmoniques. Mm. Hein, là, on l'entend bien, Martha My Dear, ça commence tout à fait mineur. Et puis on passe à majeur. All your head up, you see the girl, take a look around. Et là, tu vas de ravissement en ravissement pour atteindre l'orgasme musical sur des albums entiers comme le double blanc, puis Abbey Road. Avec ses voix, avec tout est soigné, avec toute ce que je ne savais pas à l'époque, mais puisqu'on a eu les maquettes plus tard, là, assez récemment, des Beatles, mais tout le poids d'un arrangeur qui est George Martin aussi. Et comment allier, parce que c'est absolument pas des virtuoses, aucun d'entre eux ne sait lire là, une note de musique, à commencer par McCartney. Donc on est vraiment sur le comment rentrer dans le... J'ai beaucoup de lyrisme là-dessus, mais comment... Moi, ça m'a pris une vie pour des fois effleurer ça, quoi. Et c'est toute cette culture-là, c'est là que j'ai été puisé. C'est mon jardin, c'est mon terreau, quoi. C'est toute l'époque aussi où on s'est pris la pop musique en plein dans la tronche avec ses albums Fleuve. Donc, bien sûr, Genesis, puis après Supertramp, et puis Pink Floyd, et Zappa, enfin tout. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous attaquez la guitare classique? C'est une volonté des parents? C'est vous qui êtes tombé amoureux en regardant Manitas et Plata une fois à la télé en disant c'est de la guitare que je veux faire? C'est quoi? Très bonne question. Je suis très content que vous me l'ayez posée. Non, mais moi, en fait, je jouais avec des cartons de lessive chez moi et je prenais la guitare que m'avaient ramené mes parents d'Espagne. Pas sûr que ce soit moi qui l'ai demandé et je faisais semblant de jouer. C'est-à-dire, je mettais. De l'air guitare, je faisais de l'air guitare, vraiment, tu vois, sur les cordes et tout ça. Et qu'est-ce que tu as comme alternative quand t'es gamin en 1965 ouais. Eh ben, t'as le conservatoire de ton arrondissement, tu vois, si c'est pas le conservatoire national, t'as au moins le conservatoire de ton arrondissement. Et il n'y avait pas d'école de musique actuelle, et c'est ce que je répète à mes élèves de matin. Moi, j'ai pas joué de guitare pendant un an, j'ai fait du solfège, quoi. Ouais, ouais. Bon, j'en fais beaucoup moins maintenant, hein, d'ailleurs, qu'à l'époque. Voilà, donc moi, j'avais pas le choix, c'était... voilà. Et du coup, ben, c'est intéressant, parce que tu vois, tu découvres, ben oui, des petites miniatures d'Arendrouès, Bach, des toccatas, des petites choses qui sont pas nécessairement très très compliquées, mais où on apprend quand même à travailler l'accroche, la noix, la double du débit et puis de la dextérité. Ce que je conseille, en tout cas, s'il y a un conseil à donner, c'est que cette formation initiale, moi je l'ai eue à 10-11 ans, elle est là pour toute ta vie. Je veux dire, je suis peut-être plus, je suis pas plus feignant maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné, qui m'a permis vraiment d'exercer mon métier. C'est l'apprentissage d'une langue. Voilà. Et si maintenant je m'attaque à un morceau qui est un peu complexe, j'ai tous les éléments pour le faire. À la maison, vous disiez, on écoutait la variété de l'époque, Adamo par exemple, mais aussi les grands noms historiques, Ferré, Brassens, Brel. Ah oui, c'était ce qui a un peu bercé votre enfance. Pour paraphraser, je ne sais plus qui, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents communistes à l'époque, je pense, qui ont quand même rendu leur carte au moment de l'invasion en Tchécoslovaquie. Donc je pense que c'est une double chance. Voilà. Ouais. Il y a des gens, des intellos, entre guillemets, un peu, en tout cas des gens politisés, assez éclairés, quoi, hein, pour l'époque. Et c'était cette culture-là. Les parents, les amis de mes parents, c'est ça, c'était Ferré, Brel, Brassens, Ferra, oui, bien sûr, la montagne est belle. Hein. Et donc, pour moi, c'était mon berceau musical, c'est ça, et la musique classique, vraiment. Hein. Et quand mes potes jouaient au foot au square en bas et venaient me chercher, moi j'étais samedi après-midi, j'étais collé au petit électrophone qui s'allumait, là, avec un transistor, avec les premiers stéréo, quoi, avec deux baffles. Et je me repassais la première, la deuxième, la neuvième, la cinquième. J'ai même dû, pour un mec d'origine juive, avoir un petit débordement chez Wagner, mais soit je léger vraiment et très, très, très court. Personne n'est parfait. Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour s'égare au long de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi. Mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'en trouve sur l'infini. Gainsbourg, les valses pour Mélodie, tirées de cet album, un des premiers albums concept français, Mélodie Nelson, là aussi, oui, sorti à la fin des années 60. Gainsbourg. Bah, la première chose qui me vient, là, si tu veux, parce que je veux pas, tu vois, panthéoniser, on l'a, bien sûr que c'est, en effet, finalement, il n'y a pas un boss, il y en a plein, et c'est chouette, c'est les multiples boss qui nous cabossent, merveilleusement, et qui nous sculptent notre créativité et notre bonheur de vivre aussi. La première chose qui me vient avec Gainsbourg, c'est presque, après, avec le recul maintenant, c'est le truc presque qui rassure, quoi. Parce que c'est l'album, quand tu étudies un petit peu sa vie, qui a été vraiment un échec commercial complet, qui est devenu un album culte, certes, mais enfin, bon, t'imagines Gainsbourg comme, je m'imagine, à sa place à l'époque, avec le souci qu'on a de nos petits bébés quand ils sortent, le soin qu'on a, on se dit, ça, c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait. Putain, ce mec-là, il a fait probablement, bon, on aime beaucoup d'autres choses de Gainsbourg, mais certainement la chose la plus singulière, la plus originale. C'est-à-dire que là où il est le plus intègre, il a le moins de reconnaissance. Donc je me dis finalement, nous on a fait toute notre vie comme on est. Enfin moi je suis, je sais pas. Bon, il y a une prétention là-dedans peut-être, mais je me dis finalement, ma carrière musicale n'est qu'une Melody Nelson ou qu'une l'ombre. J'ai pas la prétention de faire des choses de cette qualité non plus. Hein, sinon ça saurait quand même. Mais en tout cas voilà, oui, tu vois, il y a cette c'est dur. Bon, ce truc d'être on se demande pourquoi, c'est des discussions que j'ai eues, je parlais d'Eric tout à l'heure, mais qu'on a eu aussi, on n'a jamais dérogé quand même, d'une forme d'exigence. J'ai eu des opportunités dans ma vie, hein, j'ai eu, tu parlais de l'album Season, mais à l'époque j'étais parrainé par Nana Mouskouri, t'imagines, et j'enregistrais dans le studio de Paul Naref, enfin j'avais 16 ans, quoi, tu vois, et jamais j'ai pensé faire mon métier de la musique à cette époque-là, vu ce que je vivais dans le milieu du showbiz. Je faisais des émissions de télé, il y avait deux chaînes, quoi. Je faisais des jingles pour Europe numéro 1. Mais pour moi, c'était un plaisir, enfin, ou voilà, mais vu ce que je ressentais il a fallu que j'arrive à Toulouse pour me dire, ah mais ok, on peut vivre de la musique, pas être habillé en cuir avec des lunettes noires toute la journée, être dans des cocktails ou des machins, faire des mondanités, ah mais d'accord, mais du coup là, enfin, c'est le vrai, être sympa, être un musicien virtuose comme Serge ou Sando ou Kiko, et puis être des gens complètement empathiques, amicaux, humains, et vivre dans une belle société, et être musicien comme on est, artisan, boulanger, tapissier. Ce premier album, Season, effectivement, vous avez 16 ans quand vous l'enregistrez. Comment vous en arrivez à enregistrer un album? Il y avait déjà des groupes de vous jouiez déjà en groupe avec des copains, ou c'est arrivé comme ça parce qu'une connaissance connaissait celui qui réglait le son dans un studio et est arrivé en disant qu'il y a besoin de quelqu'un? Les deux, mon capitaine, puisqu'il se trouve que je suis au lycée, qu'on commence à bricoler de la musique avec deux cassettes pour faire les recordings, tu vois, avec Patrick Arondel qui en fait est Jay Alansky, qui va devenir Jay Alansky 3-4 ans plus tard, une fois que je lui ai dit que moi ça m'intéressait plus de faire de la variétoche, et qui va être le compositeur de Lio d'abord, de Gilles Kaplan, producteur des Innocents, alors Jay Alansky, donc c'est son nom, et qui après une tentative lui aussi d'électro est parti en tournée avec, enfin accompagner le Dalai Lama, arrêter tout, c'est pareil, c'était pas un mondain non plus. Et son père tenait une maison de disques qui s'appelait Monde Mélodie, et c'est quand même lui qui nous a introduit un petit peu dans ce circuit-là. Donc on voit aussi comme j'ai goûté très tôt comme à ce principe qu'il y a la part de travail et d'obsession, d'obstination d'un jeune musicien, et puis de musicien toute notre vie, elle est prépondérante. La part de chance. Mais voilà, c'est la part de chance qui arrive. Et c'est vrai que quand j'ai quitté ce duo avec Jay Alansky, j'aurais pu continuer. On a fait un 45 tours après, qui s'appelait Hello Life. On chantait en anglais, il y a une époque où, bien sûr, aucune chance de... Mais on a vendu quand même. J'ai tout claqué en flipper, mais on a gagné du pognon avec ce vinyle. Enfin, c'était une aventure extraordinaire. J'étais porté, quand j'arrive au lycée à Monde de Montreuil en seconde, j'étais porté en haut là, carrément dans la cour. Et j'ai été viré parce que j'étais absent pendant 4 mois pour faire cet album, donc c'était un vrai boulot de studio et de professionnel. Et les profs donc voulaient me virer en seconde, et je suis arrivé au conseil je suis rentré dans le conseil de classe, et j'ai donné un album à chacun des profs, et ils ont tous reconnu que c'était un travail étonnant, et ils m'ont fait redoubler. Ils m'ont pas viré du lycée. Bah, tu vois, c'est... Voilà, ouais. C'est bon. Première, quand même, expérience assez jouissive. Ouais. Ouais. Nina Hagen, avec ce African reggae qui déboule dans l'Hexagone, pareil, fin des années 70. Pourquoi ce morceau-là, François Dorémus ? Oui, mais qui est en lien, je pense, avec l'éclectisme que j'ai dans mon travail aussi, d'utiliser des voix de tête, du parler, d'aller piocher un petit peu dans ce jardin. Et pas par opportunisme, par un goût du voyage, vraiment. Ce que nous donnent tous ces artistes, parce que quand tu choisis 10 titres, tout le monde doit te dire, enfin les gens qui font la liste doivent te dire ça, évidemment c'est très exhaustif, mais la règle générale c'est tout d'un coup la liberté qui nous amène, ce passeport quoi. Hein ? Ah bon, d'accord, là on peut... Je peux y aller d'un chant lyrique, avec un reggae... Avec un dub qui est soutenu, avec vraiment. Un dub qui est super, voilà, super, et tout ça dans un contexte de chanson. Hein. On n'est pas chez Zappa, on n'est pas chez Soft Machine, j'ai hésité aussi, mais tu vois, Soft Machine, j'avais pas la place, mais ça a été un de mes premiers éveils, Soft Machine, du coup on peut en parler, en termes de pop musique, en termes où là aussi on passe d'une chanson... Je me souviens plus, il y avait des trucs quasiment tubesques dans ce premier disque de Soft Machine, là. Et en même temps des trucs complètement barrés, quoi. Donc c'est un petit peu ça que j'ai. Et il y avait après, ça chez Nina Hagen. Ouais. Après j'ai grand respect, tu vois, aussi pour des Bernard Selam, des gens qui font du blues toute leur vie et qui le font super bien et qui se donnent à ça comme une religion, une vocation. Donc voilà, moi j'ai besoin de ce paysage et pour moi on rejoint un peu Higelin, tu vois, regarde l'attentat à la pudeur, on y est un peu. Et ça c'est pour moi c'est la récré, quoi. Il y avait Klaus Nomi aussi à l'époque. Qui mélangeait pop et musique et chant lyrique. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils déboulent dans ta vie. Il se trouve que, ben oui, toi, tu écris des chansons, t'en fais ton métier ou pas encore, ou bientôt, ou un peu jour peut-être. Et ils te disent, tiens, ben vas-y, tiens, mon gars, tu vois, ça, c'est possible. Ça me touche encore beaucoup. Quoi. Et ça vous a permis, à certains moments, de passer des étapes. Mais c'est un épanouissement. Je ne sais pas comment le traduisent mes potes musiciens. Moi, tout d'un coup, c'est une autorisation. On m'a dit, ben vas-y, ben, tiens, peut-être. Peut-être même t'avais pensé, t'aurais pu, t'as pas pensé, mais tu peux le faire. Et peut-être t'avais pensé, t'as pas osé, tu vois. Et c'est vraiment l'éveil musical. C'est pour ça que écouter beaucoup beaucoup de choses et c'est jamais assez. Aller au spectacle comme tu le fais sûrement plus que moi, c'est hyper important parce que cet aspect éponge qu'on a tous. Plus ou moins, hein, plus ou moins visionnaire, il est là, on absorbe des choses. Voilà, et après, il y a autre chose dont on pourrait parler, et là, du coup, j'aurais pu mettre un chant yiddish, et je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'ADN, aussi, qui vient se marier avec tout ça, il y a quelque chose de l'ordre des racines, alors moins peut-être pour moi que pour Halima, Amel, ou les gens qui ont vraiment, qui a fait aussi des choses très, très, très, très, très, très, très mariées, ou Moonlight, Benjamin, tu vois, mais qui marient vraiment leur culture de manière très, très évidente, à du rock, à des choses comme ça. Moi, c'est peut-être plus diffus parce que j'ai été vraiment élevé comme un petit Français dont on tait totalement les origines avec une omerta complète. Et hors de cette culture yiddish. hors de cette culture slave d'origine polonaise. Mes parents sont nés en Pologne, ils sont arrivés très jeunes en France. Et de temps en temps, ça ressort quand même, tu vois, sur une forme de lyrisme, cette voix grave aussi. Donc, vraiment, il y a une espèce de chaudron là qui est magique, mais qui en même temps prend beaucoup de temps à prendre forme, parce que je passais beaucoup de temps des fois à passer d'une influence à l'autre, à un côté un peu crooner, justement, un peu Henri Salvador, des choses beaucoup plus barrées, rap, slam avant l'heure, mais après ça veut rien dire, parce que Ferré, il était bien slammeur bien avant l'heure. Et puis Gainsbourg, on vient d'en parler, avec son parler chanté, voilà. On n'est pas très loin du slam. Ah bah là, c'est l'empreinte, hein, vraiment. Pour finir peut-être avec ce blues d'Europe de l'Est, tel que vous le définissiez tout à l'heure, avec cette culture juive d'Europe de l'Est, c'est vrai que c'est des accents qu'on entend dans Amslam, un de vos derniers projets, donc avec Rebecca Ferron. Ouais. Et c'est vrai que dans certains arrangements, certaines intonations du chant, il y a des effluves qui viennent effectivement de cette partie de l'Europe. Oui, ça a été la rencontre aussi avec Serge Lopez pendant 2 ans quand même. Mmh. On a joué, on a fait quelques concerts ensemble, à Salle Nogaro. Autour de Ferré. Autour de Ferré, et puis de Compos à moi. Mmh. Et on a la même histoire en fait. Mmh. Hein. Beaucoup de la plupart des, je pense c'est pareil, je crois même pour Sando, et peut-être un peu différent, mais et pour Kiko, mais tous ces jeunes qui dont leurs parents ont passé à pieds nus les Pyrénées, c'est l'omerta complète. On ne parle pas du tout. Alors eux, ils retournent quand même plus souvent que moi dans leur pays, parce que moi, je suis retourné en Pologne quand j'étais gamin, puis la Pologne c'est vraiment pas un pays que je conseille à qui que ce soit, mais c'est très subjectif, hein, pour les vacances, parce qu'il y a que des blancs. Non, mais ça peut se résumer à ça. C'est très space. Mmh. Et surtout, l'Église est au gouvernement. Ah ben et oui. Ça, tu vois la différence directe. Hein. Et on va dire qu'il y a l'Église et l'extrême droite maintenant. Ouais, en plus. Voilà. Donc, non, mais bon, voilà. En tout cas, sur ces origines slaves, il y a quelque chose qui était très, très émouvant, que je peux évoquer rapidement. C'est que le premier cours de technique vocale que j'ai pris, donc je l'ai pris avec une chanteuse de lyrique, et elle m'écoute, elle me teste un peu, elle me dit. D'accord, t'es baryton, pas ultra basse, mais Martin, je sais pas quoi là. Et elle me dit, tu serais pas d'origine polonaise. Alors là, tu vois, quand à chaque fois que t'as ton grand-père, quand t'es gamin, qui arrive, que t'as les amis de la famille qui disent, est-ce que tu connais l'histoire de la Shoah, les machins, puis t'as le grand-père qui arrive, tu parles pas, mes enfants, de rien, de machin. J'ai jamais été élevé là-dedans, j'étais à l'école primaire, à la maternelle en France et tout. Et puis t'as ta prof en face de toi qui te regarde les yeux qui dit « Tu serais pas d'origine slave, polonaise et tout ça, parce que moi je trouve quelque chose dans ta voix. » Et là tu dis « D'accord. » C'est-à-dire que par transmission, j'ai renié ça complètement, ou je l'ai complètement mis de côté. Et là, j'ai 30 ans, 35 ans, et j'ai une prof de technique vocale qui est née à Soissons, ou je sais pas où, tu vois, en banlieue parisienne, qui vient te dire, t'es pas d'origine slave, toi. Là, tu te dis, bon, d'accord. Là, j'ai compris qu'il y a une différence à faire entre les racines et l'identité, et la revendication identitaire. Cette blessure où meurt la mer comme un chagrin de chair, où va la vie germer dans le désert, qui fait de sang la blancheur des berceaux, qui se referme au marbre du tombeau. Cette blessure d'où je viens, cette blessure où va ma lèvre à l'aube de l'amour. Cette blessure, chanson de Léo Ferré, chantée ici par Vanessa Paradis. Pourquoi cette version-là? J'ai un goût prononcé pour les adaptations, dont je suis adepte de la fabrication aussi. Là, en ce moment, je fais un spectacle avec ma chérie sur Maxime Le Forestier, que j'ai complètement revisité aussi, après Nogaro, enfin bon, voilà, sur une petite forme. Qui peut... Et moi je sais pas. Alors, est-ce que c'est un retour d'enfance? Mais qui écrit comme ça, quoi? Mais c'est incroyable. Et c'est pas possible, Ferré, mais... Moi, il nous tabasse, quoi. Chaque mot, chaque phrase, c'est des punchlines, quoi. C'est... Alors, ok, je pense pas, en effet, qu'Aurel San ou Damso soient les héritiers peut-être de ce mec, mais bon, en tout cas, moi, je suis le cul entre deux chaises, entre ces générations-là. Je dis ça, j'adore Aurel San. Hein. Je vais même ce soir revoir le film du concert que j'ai été voir là pendant. Et oui, c'est vrai qu'il va passer au cinéma. Et ensuite, vachement intéressant, si je te passe là, si on passe la minute et que tu dis pas aux gens que c'est Vanessa Paradis. Ouais. Eh ben, c'est pas sûr qu'il le devine. Et là, il se passe une alchimie et un truc très intéressant quand on fait peut-être chanter de belles choses. Bon, je dis pas que Joe le taxi, c'est une merveille, ni une merde, tu vois. Mais ça me passionne pas. Pour moi, voilà, on est un peu dans ce qu'on appelle la variétoche, peut-être chez nous autres, les icos, là, à tort peut-être souvent, parce qu'il y a très très belles choses. J'ai adoré Michel Delpech. Et d'un coup, tu fais chanter, regarde, en plus c'est une interprète. Et moi, je la découvre, Vanessa Paradis, parce que c'est vrai qu'au cinéma, elle est magnifique. Et tu vois sa qualité d'interprète, tu vois, c'est... tout d'un coup, c'est pas une chanteuse à voix non plus, mais on s'en fout. Et tu lui mets du Ferré et avec cette orchestration très simple, quoi, hein, vraiment, et juste les violons qui montent. Mais moi, ça me chavire complet. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est-à-dire, donnez-nous à manger, quoi, les interprètes, ou donnez-leur à manger de belles choses aussi. Et on pourrait épiloguer sur le fait qu'il y a parfois de très très beaux interprètes qui n'ont pas eu cette chance-là, qui n'ont pas cette opportunité-là. Parliez de Boss tout à l'heure en commençant votre liste avec Ichelin et en voilà encore un troisième Boss. Alors peut-être côté Soul cette fois, ça va nous permettre aussi de parler des influences Soul dans votre musique et dans vos répertoires. Et donc pourquoi ce morceau dans votre liste ? Alors, il y a plusieurs déclinaisons à ce choix-là, parce que évidemment des morceaux de Stevie Wonder, j'aurais pu prendre Always, j'aurais pu prendre Sir Duke, les choses les plus tubesques entre guillemets de cet album qui est Song of the Key of Life, qui est, oui, bon, voilà, c'est des albums phares, quoi. Là, c'est la découverte à tout d'un coup que la musique est, en effet, peut être texte, peut être une petite guitare sèche avec un très beau texte. Et puis tout d'un coup, c'est le mouvement qui arrive, quoi. C'est la danse, c'est le truc que t'es en train d'éplucher les carottes, là, ou je sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, paf, tu bouges du bas du dos. Isn't She Lovely qui démarre avec le tout truc et le bébé qui pleure, tu vois. Et là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la danse, c'est le mouvement, quoi. Et tout d'un coup, le mouvement, il entre dans la danse, c'est-à-dire il entre dans la danse de la musique telle que je la... Et alors c'est vrai qu'il y a Jonas qui arrive derrière, hein, qui est pas si loin que ça, et qui amène aussi ce groove, hein, dans la musique. Et là, toute la caractéristique. Et dans la chanson, oui. Mais dans la chanson, bien sûr, puisque moi, je suis bon, voilà, mon étiquette, je fais quand même la chanson. Quoi, voilà, exactement. Voilà. Je fais pas de la musique concrète, ni d'électro. Mais de la chanson. Voilà, je fais de la chanson. D'ailleurs, je ferais bien d'y rester dans ma com, parce que quand je commence à mettre machin, slam, truc comme ça, franchement, c'est pas. Mais je suis pas bon. Il me manque un vrai chargé de com, là, c'est un peu le train de retard. On passera l'appel à la fin de l'émission. Ok. Oui, mais. Manqué. Mais Donc ça arrive. Et là, bien sûr, alors, quand tu me dis de faire la liste, je fais quoi ? Je mets Michael Jackson, je mets Marvin Gaye. Dans tout ça, s'il y a un trio de tête, tu vois, ouais, j'aurais peut-être, en effet. Stevie Wonder, Michael Jackson, Marvin Gaye, et puis après, il y a tout Tamla Motown derrière. Mais c'est le gospel, c'est... Ouais, c'est pareil, c'est très organique, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, quoi. Moi, ça me prend la tripe, les burnes, tu vois, c'est vraiment un truc, c'est hyper sensuel, c'est amené vraiment la joie du corps, hein, pas seulement de la danse, mais du mouvement, t'en fous, tu danses n'importe comment, tu bouges un petit doigt, même si t'as eu un accident de ski ou grave, de vélo, mais putain... C'est vraiment une vraie révélation. Lorsque j'avais vu ce spectacle dont je parlais tout à l'heure, pendant un Toulouse d'été, Toulouse en chanson du monde, il y avait cette volonté de faire bouger le public. Sur scène, il y avait Guillaume Barabin, il y avait Rita Macedo, il y avait des tas de gens qui venaient de tas d'univers différents, puisqu'il s'agissait quand même de chansons du monde. Mais il y avait cette volonté de proposer des morceaux qui fassent bouger le public. Si tu veux, il y a un double challenge qui est intéressant aussi quand tu n'es pas la compagnie créole ou un groupe connu, c'est que quand même, chaque soir, ça c'est des choses dont je parle avec Manu Galure souvent, qui est un pote aussi, à chaque instant, on arrive sur scène, il va falloir convaincre. Quand on repart, on a envie qu'on soit tous amis, que les gens ne se soient pas fait chier, et que ce symbole qu'est la danse ou le fait de faire chanter sur des choses que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire peut-être pas non plus des trucs trop bébêtes ou que les gens bougent, c'est la finalité, c'est un peu le summum du partage, quoi. Hein, là, il y a une vraie communion. Dans l'horlogerie du monde, j'entends un tic-tac nouveau. Dans l'horlogerie du monde, j'entends un tic-tac nouveau. Un temps battant un tempo, sans aiguille ni seconde. Sans aiguille ni seconde, sans les heures moribondes. Sans le diable dans la peau, j'entends le tic-tac nouveau. D'une durée qui m'inonde. D'un temps qui enfin nous aime au lieu de nous supprimer. Claude Nougaro, Tic Tac. On va d'abord parler de Claude Nougaro et de l'influence que cet artiste a pu avoir dans votre musique. Et après, on parlera peut-être un peu de Toulouse aussi. Nougaro. J'ai 15 ans, j'écoute, donc c'est de la chanson française, mais je commence à faire des chansons d'anglais avec mes potes, là. Et je vois ce mec à la télé, sur une des deux chaînes, s'il n'y en avait pas qu'une seule, qu'il est loin, mon pays, ok. Et puis les violons qui arrivent, quoi. Et là, pareil, c'est ma pub. Je relis ça à quelque chose d'un peu sexué, presque une forme de puberté, de ravissement, en tout cas d'enchantement, de grâce, quoi. Et je me dis, putain, mais attends, là, il y a un mec, il chante en français, c'est ma langue, ok. La musique, elle est super. Donc ça aussi, tu vois, passeport, là, c'est possible. Et puis ensuite, on revient là au moment où je commence à travailler sur le Commando Nougaro, donc 35 ans plus tard, quelque chose comme ça, et ou 40 ans plus tard, ou plus, un demi-siècle, puisque je sais de quoi on parle, là, ça passe tellement vite, comme je dis dans mes chansons, le temps est passé trop vite, tourbillon. Tic-tac, voilà, un morceau des derniers albums, donc qui est moins connu que les autres, avec des mesures composées, des mesures impaires. Ce magicien-là, qui cette éponge aussi, qui fait rentrer la complexité, qui marie la complexité, l'accessibilité. Ouais. Et une chose qu'on lui a souvent reproché, de ne pas être de droite, de gauche, plutôt même de droite, parce qu'il avait du patrimoine, probablement. Mais un humanisme dans le texte qui est magnifique et qui est bien au-delà des revendications politique, d'autant que la chanson, j'ai appris à mes dépens que ce n'est pas un manifeste non plus. Il y en a qui savent aussi peut-être très bien faire ça, la preuve antisociale. Trust. Voilà, mais voilà, c'est pas mon truc, je suis venu à la musique et à la créativité par la poésie. Et ça n'empêche pas qu'on peut dire des choses très profondes et très touchantes, mais voilà, toujours avec un décalage. Donc Nougaro. Nougaro. Et il y a cette demande de la part d'Yvan Cujous et Hélène Nougaro, il y a donc plus d'une dizaine d'années, qui me disent, écoute François, bon, on aime bien ce que tu fais, et puis on sait aussi tout le contexte pédagogique dans lequel tu es, on aimerait fonder une chorale avec des huit chefs de chœur, si tu te démerdes, un projet autour de l'œuvre de Nougaro, un gros raout, Place du Capitole et tout ça. Voilà, avec une déambulation dans la rue. Donc, il y a cet épisode-là, et ensuite, 3-4 ans plus tard, on décide avec Olivier Capel et Fabrice Ayer de faire de continuer le projet Nougaro, mais sur un trio, quelque chose de plus intimiste et de plus adapté aussi, moi, a cappella, etc. Et puis avec tout, moins de problèmes de gestion, de but de personnel, moins de RH, quoi, qu'à 8 ou 9. Et puis nous, on se connaît, on travaille ensemble déjà à l'école, tout ça, depuis des moments. Voilà. Donc, je m'immerge dans cette œuvre de Nougaro, me revient quand même cette raison peut-être pour laquelle je suis arrivé à Toulouse quelque part. D'abord, j'étais dans le Lot, c'est vrai, mais je suis descendu à Toulouse. Et puis il y a cette espèce d'enchantement de jeunesse, là, prépubère, là, avec Toulouse. Et même si je ne suis pas toulousain de souche, quelque chose qui résonne, qui est rentré dans mon ADN vraiment. Voilà. Et je plonge dans l'œuvre de Nougaro, et là. Je découvre, bien sûr, je connaissais Cécile, je connaissais, pas Cécile personnellement, mais je connaissais la chanson, voilà, les grands tubes, je suis sous ton balcon, ma mère, c'était dans les vinyles de mes parents aussi. Donc oui, non, j'ai écouté quand même tout ça. Mais je n'avais pas plongé à ce point dans l'œuvre de Nougaro, sur toutes les petites perles qu'on jouait d'ailleurs avec le commando, Maîtresse, tous ces morceaux un peu que les gens me demandaient, c'est une compo ou c'est Nougaro? Ça, j'aime bien aussi. Donc on prenait bien sûr Locomotive d'or, mais de quelle manière voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ça n'a pas plu nécessairement à toute la famille, mais on va parler des choses que j'aime, des choses positives. Mais même si Hélène a continué de nous marrainer pendant tout ce temps-là et de soutenir le projet, Hélène Nougaro, sa dernière épouse. Et là, ça a été vraiment un enchantement, tout d'un coup, comme si tous ces mots que moi, je ne savais pas écrire, comme si toute cette poésie pour laquelle je n'ai pas cette virtuosité et cette efficacité, hein, voilà, parce que c'est moi, je suis venu à la musique au départ pas par l'écriture de texte, je suis venu vraiment à la musique par la musique, et je pense être beaucoup plus mélodiste que auteur. Je progresse et il est temps dans ce domaine-là, mais voilà, cette percussion, qu'elle soit poétique, amoureuse, trash parfois, de ces auteurs comme Nougaro, ça a été un enchantement de pouvoir mettre ça à Avignon, de jouer aussi dans des grandes salles avec ce spectacle-là, et de le partager à notre manière, un peu une espèce d'électropop où les jeunes générations venaient nous dire, mais c'est pas un peu vieillot, Nougaro, venez au spectacle, vous verrez. Voilà. Et donc, du coup, ils découvraient ça, eux, comme une musique voilà, de chansons pop, quoi. À la même époque où Puccinella et Hervé Subiette faisaient aussi, de leur côté, une relecture de certains morceaux peu connus de Nougaro. Votre arrivée à Toulouse, donc, vous disiez, Paris, vous y êtes né, passage par le Lot, et puis en 83, vous arrivez à Toulouse. Outre cette réminiscence de cette chanson de Nougaro que vous avez écoutée adolescent, pourquoi Toulouse ? Je viens à Toulouse en fait avec un paquet de chansons sous le bras. Hein, j'arrive ici parce que j'étais en fait, j'élevais des brebis, je vendais du fromage. Hein, même si j'ai eu un an de break à Limogne où j'ai rencontré Eric justement, la reine. Donc j'arrive ici, j'ai tout un tas de chansons et je tombe dans ce qu'est Toulouse encore maintenant, même en puissance encore plus développée. Je tombe dans un jardin musical, ok. Donc j'ai Daniel Antoine, feu Daniel Antoine maintenant, qui fait de la soul, qui était un des claviers qui jouait de Paul Person. De Paul Person aussi, voilà. Et je rencontre que des gens comme ça qui me disent welcome, bienvenue. Tu vois, je vais dans des cafés. Partout, il y avait plus de piano-bars, je pense, de bars musicaux que maintenant. Je rencontre André Sutre, il me dit « Oh, banco !» Je rencontre Victor Ibanez, parce que j'avais envie de quelqu'un qui slappe un peu. J'étais très jeunassien à l'époque, tout ça. C'était Rick Vert démarrait aussi sa carrière dans le coin. Donc récupère d'Éric Larenne. Donc après plus tard il y a eu Aldo Guina au sax et Régine Mano au percu, mais déjà avec un copain guitariste que Georges Flachon, avec qui on est descendu un petit peu ensemble à Toulouse. Enfin tout était fluide. Daniel Antoine il me dit écoute tu viens je sais pas quoi, il y a eu un échange de services, tu joues à l'Héraclès là au café de l'Héraclès et puis moi je te fais enregistrer une maquette en échange et en studio tout ça et je joue si t'as besoin de moi. Alors, tu penses bien, avec les clavinettes et tout. Donc c'était... et à l'époque, c'est vraiment l'époque où je me suis professionnalisé, mais avec une facilité. Mon premier statut d'intermittent, en fait, j'avais mes dates et je ne le savais pas. Je ne m'étais pas inscrit à l'époque, il fallait être absolument inscrit à l'agence pour l'emploi. Ils m'ont dit, bah, vous revenez, vous faites vos 507 heures, mais d'abord, vous commencez par vous inscrire. Donc voilà, c'était très fluide. Et donc ça, c'était 83, 84, 85. Il y avait une humanité, une amitié, une empathie, pour appeler les mots un peu bateau du moment, là, sur Toulouse. Que moi, venant de Paris, et je suis jamais parti de Paris avec la mort dans l'âme, hein, mais j'ai fait beaucoup de belles choses au centre américain, en duo, à la guitare et tout ça. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas cette ambiance showbiz là, ou de trucs un peu puants, et tous les musiciens de studio qui étaient que dans l'entre-soi à Paris, qui parlaient de technique, les mots, je ne comprenais rien à ce qu'ils racontaient, tout était vocabulaire, ils avaient leur novlangue à eux. Donc, à Toulouse, c'était facile. Je ne connaissais pas encore Serge, mais ça s'est passé pareil avec Lopez, mais avec Sandoval, au Mandala. Moi, j'arrivais, mais j'ai un accueil, il y avait des espèces de scènes ouvertes. Je ne sais pas comment on s'est retrouvés à jouer ensemble. Moi, j'ai joué avec Sando, mais avec toute cette équipe-là, tout était welcome. Et ça, pour moi, c'est dans mon héritage de génération un peu baba cool, un peu post-68arde. Je me suis dit, bon là, je suis en accord avec moi-même. Et du coup, ma veine musicale, elle peut se vivre là, dans ce milieu-là. Elle peut s'épanouir. Ouais. Voilà, pas dans un milieu où on parle de prod, de commerce, de machin. Ça serait bien quand j'ai fait mon premier tube, là, Fatigué de plaisir, à l'époque, avec les bananes flambeuses. C'était une catastrophe. C'est un producteur d'Indochine qui a mis ce morceau au placard pendant un an, j'ai fait la même maquette, enfin des conneries, tu vois. Alors là, j'étais un peu plus vieux, j'avais pas 16 ans, mais je me suis dit plus jamais ça de ma vie, quoi. Voilà. Le citoyen qui est de ce monde, le fils de terre et fille qui les féconde, la terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, hein, ni plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'univers. On a commencé votre liste, François Dorembus, avec Jacques Higelin comme personnage vous montrant et vous incitant à écrire en français, à faire de la chanson en français, même si c'était du rock. On termine avec Dick Annegarn. Lui aussi, il vous incite, lorsque vous êtes jeune, à pouvoir vous dire le français, ça peut aussi sonner. Bah, le français, et puis j'ai 17-18 ans, vous vous rendez compte, c'est-à-dire donc il y a 50 ans là, hein. Voilà, vous voyez les paroles, citoyens qui êtes de ce monde. Ah, bon, celle-là, elle est la terre n'est qu'un trou dans l'univers, un trou de fourmis plein d'humains qui, je le crois, je vous avertis, est à sa fin sur son déclin. On parlait d'éponge, alors ça, c'est la première dimension. Hein. Et c'est vraiment c'est l'artiste visionnaire, quoi. Après, oui, c'est vraiment c'est le boss aussi, parce qu'il y a le côté guitare folk. Et en fait, moi, j'étais guitariste, donc je me dis, bon, il y a moyen de faire aussi la chanson de qualité avec une guitare et une voix, et voilà. Bon, en dehors de son charme qui n'est plus à vendre à Dick, il y a cette dimension que lui, j'ai envie de dire lui aussi, mais lui, à son échelle, il avait un vrai succès national, en tout cas francophone, et il a vraiment refusé tous les honneurs, les machins, pour aller sur des trucs complètement alternatifs. Il a refusé une forme, pas la Légion d'honneur, mais en tout cas... vraiment tous les, comme on appelle ça, les ors de la, de, oui. du show business, oui. hein, vraiment, voilà. Leur ah oui, un jour succès, il a dit, je sors du jeu. Je sors du jeu, voilà. Je décide de ma vie d'artiste, il n'y a personne qui va me dicter ma conduite, et en plus, l'artiste, acteur social, moi c'est un truc qui me parle, j'ai un engagement syndical, j'ai un engagement politique, j'ai la chance d'avoir eu des parents communistes qui ont rendu leur carte, donc moi je me dis, mais là, voilà, ce mec-là, il est complètement accordé, quoi. Il est complètement en harmonie. Ça aussi, il y a possibilité de faire une carrière en étant son libre arbitre. Je ne ferai jamais peut-être un succès comme Sacré Géranium, mais en tout cas. Et puis il se trouve que il finit par échouer dans le Comminges. Dans le Comminges, et que j'ai été joué il y a 2-3 mois dans le lieu qu'il a ouvert. Donc ça, c'est une super. Bon, il n'était pas très bien en forme. Il avait un lumbago, donc du coup, il n'est pas resté. Tout le concert, mais en tout cas, c'est pour moi, c'était boucler la boucle. Tu sais, les trucs, je sais pas si des grands et des beaux esprits se rencontrent, en tout cas, mais c'était très émouvant. J'étais au Festival du Verbe là une journée l'après-midi. On voit bien comment il reste sur du quelque chose de populaire et de très poétique et ça aussi ça doit grande intégrité ça doit vous toucher cette chanson qui reste une chanson poétique complètement non mais c'est des modèles hein. c'est vraiment des modèles pour moi pour nous toutes. Mais écoutez, François Dorembus, on va peut-être en rester là ce soir. Une liste qui aura été un peu écourtée. On aura écouté que 8 morceaux sur les 10 que vous nous aviez proposés. Mais on a aussi des impératifs d'horaire sur campus. Merci en tout cas d'être venu passer cette heure avec nous. On aura peut-être un peu plus compris comment jeune musicien classique, vous en êtes arrivé petit à petit à vous projeter dans le milieu de la chanson et en l'ouvrant à plein d'autres sortes de musiques, que ce soit le jazz. On rappellera que vous avez joué aussi avec Marc Desmereaux sur un spectacle qui s'appelait Kenervius, où on vous voyait tous les deux improviser pendant que des acrobates faisaient leurs acrobaties sur scène, et puis petit à petit en intégrant aussi des éléments d'autres musiques du monde, jusqu'à ce dernier duo que vous avez monté avec Rebecca Ferron et que l'on continue à pouvoir voir assez régulièrement dans la région. Oui, d'ailleurs, on est à la Cour des Miracles, studio de feu notre ami Marc Dubézy, ingénieur du son, le 12 novembre à 18h. Dimanche 12 novembre à 18h. J'ai juste un mot de conclusion. J'espère qu'un jour en France, tu parlais de classique, de pop, de jazz et tout ça, on arrivera un jour à regarder ce qu'est vraiment la musique qui est un fil conducteur d'une symphonie à une chanson. C'est des mouvements, c'est des choses qui reviennent, des récurrences. C'est vrai qu'on est très enfermé encore sur ces chapelles, ça bouge heureusement hein, chez les jeunes musiciens. Voilà, les générations de maintenant, il y a beaucoup plus de fusion, mais on est encore beaucoup là-dedans, les réseaux chansons. Ah non, c'est pas assez chanson pour toi, c'est pas assez jazz pour moi. Toute ma vie, j'ai pâti de ça. Donc en fait, tout objet singulier qui peut quand même se targuer justement d'avoir un mérite d'originalité est très suspect. Pour peu qu'il n'ait pas fait un succès avant, voilà. Et encore, même pour ceux qui ont fait des succès, ça ne va pas être facile de changer de braquet. Donc, voilà, en effet, moi, je peux écouter de la disco et Soft Machine derrière. Merci beaucoup en tout cas François Dorembus d'être passé dans cette émission réalisée ce soir par Thomas Delafosse. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très très vite. Salut les filles.